bang, bang, bang. Yeah. Cholo loco, bon d'enfoiré. M-O-N-F à la prod. Tu connais? Ouais, ouais. Frater le sale gamin. Ouais, Cholo ouais. Cholo loco. Yeah. T'es prêt ou pas? Est-ce que t'es prêt? Écoute ça. Hein? Yeah. Ouais. Ouais. Ouais, je m'en parle et rien de plaire à tes putes. Là, je vais bien dégrader le truc. En vrai, je suis qu'un gars et rien des braves et de plus. Si, si. Essaie de parler bien, je vais te casser le cul. C'est leur bouger d'ici. J'ai déjà fait plein de dégâts vers le sud. T'as l'air grave déçu, cousin, je t'éjecte ici. T'as capté, moi j'ai passé su pour qu'on me respecte ici. Je raconte pas que tu vends sale pute. Deux jours comme deux nuits dans la salle, tu danses ta future. Il me faut du courage, la vérité, je reste là. Partout comme chiffre d'or, tu pourras pas m'esquiver, ne rêve pas. Un skip, t'es venu casser des gueules, je crois que tu t'es du père, gros. À part écarter les buzz, là, je t'ai rien vu faire d'autre. Je fais des feux comme miroir, je teste le mal écorché. Je plonge dans une folie noire quand le verre de Sky est corsé. Vu de presser un corps, gros, tout seul but de la tête. Je vois plus le ciel depuis que les corbeaux tournent au-dessus de ma tête. Bon, enfoiré. Je vois plus le ciel depuis que les corbeaux tournent au-dessus de ma tête, mon bon foiré. Bang, bang. Ouais, ouais. Y'a pas de tri, j'suis plus authentique que ta paire de grolles chinoises. Péra depuis petit peu, j'ai le feu. J'en ai conquis les grands que chez moi. Des rimes à fissurer la coquille, faire que la galère soit rentable. J'dis que pour la musique, pas pour un vieux taf chez Rangita. J'dis que du papier griffonne, crie fort et fait saturer. J'détonne, performe, j'suis comme Cristiano à Turin. Ça fait des mois que j'avance sans faire machine arrière. Un salaire bricolé, tu connais, y'a pas de magie à air. Plus le temps d'avoir la flemme, gousse, mitraille Deltama. Ratata, blague à part pour mes lascars et mes primates. Mets du coca dans la gova. Pas en concert, faire la crevade. Nourri aux boîtes de concert, vous êtes là collé sur le wall. J'suis qu'un piranha qui écrit quand il a mal. J'ai l'appétit métro red mort pour aller au red mat. Truc de fou, truc de fou, un truc de malade, de malade. J'en ai plus rien à foutre, pire que la mafia en calabre. Les belles foules pour me laver des péchés qu'on porte en nous. Malheureusement, la paye fait que c'est pas prévu qu'on parte en août. Pas trop le choix que les heures passent. C'est l'aquarium dans la vague où tous mes rêves pleins. J'essaie de m'en sortir partout les creurs parlent. J'ai poussé au cœur des orties là où les fleurs fanent. C'est pas trop le choix que les heures passent. C'est l'aquarium dans la vague où tous mes rêves pleins. J'essaie de m'en sortir partout les creurs parlent. J'ai poussé au cœur des orties là où les fleurs fanent. C'est pas drôle, j'vois que les heures passent. C'est l'aquarium dans la vague où tous mes rêves planent. J'essaie de m'en sortir par tous les creurs parlent. J'ai poussé au cœur des orties là où les fleurs fanent. C'est pas drôle, j'vois que les heures passent. C'est l'aquarium dans la vague où tous mes rêves planent. J'essaie de m'en sortir par tous les creurs parlent. J'ai poussé au cœur des orties là où les fleurs fanent. C'est pas drôle, j'vois que les heures passent. C'est l'aquarium dans la vague où tous mes rêves planent. J'essaie de m'en sortir par tous les creurs parlent. J'ai poussé au cœur des orties là où les fleurs fanent.